cochon. C'est pas qu'ils sont sympas, mais au moins ils sont minus. C'est tout entre les dents, tu peux rire et en plus. Ils volent le premier coup, ils que tout leur colle dans le fion. Par contre, je suis pas tout à fait à l'aise lorsque le Rottweiler aux canines acérées me renifle les couilles sans que je puisse bouger. D'un moment de plénitude, je vous décris l'antithèse. Je sens qu'au moins dans son mouvement, il me frotte comme une croquette, comme un steak. Elle met en franc comme un beurre de bus. C'est pas chouette, mais je ne suis pas comestible. Je ne suis pas tendre, j'ai de gras, je ne suis pas irrésistible. Alors ta biche, entre tes énormes gros kiki, coca, coca, caca, coucou, je panier, va faire dodo. S'il te plaît, ne me mords pas. Lorsqu'elle me dit la coquine, elle a son petit nom, c'est féroce.